rêve d'un pays où les mots sonnent vrais, où l'on puisse parler sans besoin de mentir, sans avoir à cacher tous ses désirs secrets, où l'on puisse même avoir le droit de tout se dire. Je crois encore au monde sans haine et sans rancœur, où quand l'amour est mort, il reste l'amitié, juste des souvenirs que l'on puisse garder, même si les chemins nous emportent ailleurs. Je rêve de pouvoir vivre pleinement un amour, sans qu'il y ait de sarcasme et de coups dans le dos, et sans aucune haine, pouvoir sourire toujours lorsque l'on se retrouve pour se dire quelques mots. Que les enfants écoutent mes chansons et qu'avec quelques mots je leur conte ma vie, juste pour leur montrer que je suis pas si pourri, contente de leur faire croire dans leur propre maison. Je crois qu'être sincère peut arranger les choses, même si je me rends compte que c'est souvent en vain. Mais ça ne m'empêche pas de croire que demain, les mots et les rancœurs feront enfin la pause. J'ai à cœur une histoire qui a vécu longtemps, mais le temps a fini par déchirer ce rêve. Et la fin s'est soldée par un triste bilan, il n'y a plus rien à faire. L'amour est en grève. Chacun reprend sa route, les destins se séparent, mais il reste toujours des souvenirs tenaces. On garde au fond de soi, comme un parfum bizarre, les odeurs d'une vie où l'on n'a plus de place. Je suis loin maintenant, à regret je suis mort. Il ne me reste plus qu'à reconstruire ma vie, en priant tous les cieux de n'avoir pas eu tort, d'avoir pris mon envol vers une autre patrie. Et si un jour demain je sens venir mes larmes, ce ne sera jamais pour faire marche arrière. Ce sera juste un souffle, comme le vent d'hiver, juste pour me rappeler que l'on n'oublie jamais, que l'on n'oublie jamais, que l'on n'oublie jamais.